Parfois, j'ai l'impression de trahir, mais d'un autre côté, il y a cette pression incroyable en moi qui me pousse à vous raconter toutes les expériences de ces dernières années. Bonjour, je m'appelle Loïsa. J'aime ma vie. Par une chaude journée d'été de juillet, les médecins et les médecins-chefs me demandent conjointement de me faire enlever l'œil gauche. Ce coup de téléphone est la réponse de toute la communauté médicale à ce qui s'est passé il y a peu de temps. Mon rendez-vous pour l'ablation de l'œil. Comment fonctionne l'industrie pharmaceutique et la médecine? À chaque marche de l'escalier, ma vue devient presque noire. Pouvez-vous ralentir un peu? Demandai-je au médecin qui se précipite vers la salle d'examen devant moi. Comme vous le savez, je n'ai pas eu le droit de manger ou de boire quoi que ce soit aujourd'hui. Mais le médecin ne m'entend pas et il a déjà disparu par une porte. J'ai la langue qui colle au palais. Je viens de sortir d'une salle d'attente bondée pour une opération à laquelle les médecins m'ont convoqué sans m'avoir demandé mon avis. Tôt le matin à jeun, j'ai dû faire un trajet de 3 heures depuis chez moi pour cette opération d'urgence où les médecins voulaient transplanter une cornée de donneur dans mon œil gauche. Personne ne m'a demandé si je le voulais. Sans cette opération, mon œil gauche serait perdu. Ce serait très douloureux et très rapide. Quand, à la grande surprise de la professeure et du médecin présent, je dis non à cette opération, ma décision n'est en aucun cas prise au sérieux. L'opération doit être effectuée. Pendant que le médecin en chef se lève et quitte la pièce, je lui demande « Vous me l'ordonnez ?» Tout en marchant vers la porte, elle dit avec un sourire « Oui, je vous l'ordonne. » Je réponds d'une voix amicale « Merci. » « Merci, mais je n'obéis pas. » Ensuite, la professeure se tourne brièvement vers son médecin adjoint et indique la fiche d'accord pour l'opération. Il doit veiller à ce que je la signe. Sur cette fiche, rien n'est dit sur le fait que je pourrais devenir aveugle de l'œil gauche pendant cette opération, que la pupille pourrait être dilatée, que je devrais répéter cette opération de transplantation au moins une ou deux fois. Le fait que je devrais prendre des gouttes et des médicaments contre le rejet pour une durée indéterminée après l'opération n'est pas non plus mentionné sur le papier ou qu'avec mon œil très enflammé, le risque de rejet de la cornée donnée est très important. Sur le papier, pas un mot non plus sur le fait que l'opération peut entraîner des saignements qui ne peuvent plus être arrêtés ou que pendant l'opération, il peut être décidé spontanément de retirer d'autres parties de mon œil comme l'iris ou l'humeur vitrée. D'ailleurs, voici l'humeur vitrée ici. Au cours du week-end, je m'étais renseignée sur toutes ces complications et j'en ai parlé à la professeure. Elle a tout confirmé et elle en a même rajouté. Le jeune assistant médical me parle et essaye de toutes ses forces et avec toute son autorité de me persuader de faire cette opération. Dieu veut que je fasse cette opération. C'est exactement ce que la professeure a dit il y a quelques minutes. Ses arguments de persuasion ne peuvent pas me convaincre de signer. Alors il dit que, sinon, mon œil va pourrir et que de toute façon, il faudra me le gratter laborieusement lors d'une opération. J'ai le vertige. La plupart des gens ne se rendent pas compte que le système médical d'aujourd'hui est entièrement basé sur la peur. Quand je pense au peu que je savais vraiment et à la fréquence avec laquelle j'ai seulement fait peur aux patients pour le convaincre de faire ce que je trouvais bon, je ne devais même pas y penser. La peur et l'argent sont jumeaux. Je faisais des courses et ma doctoresse de famille a vu que mon œil était rouge. Inquiète pour moi, mais avec le sens de sa responsabilité médicale, elle m'a presque reproché de ne pas m'être tournée vers elle dès le début. Elle est ensuite allée dans une pharmacie pour acheter des gouttes pour les yeux que l'on ne peut obtenir que sur ordonnance. J'ai dit à la pharmacienne et à la doctoresse « Et si les effets secondaires commencent à m'affecter ?» La pharmacienne s'est simplement mise à rire. « Ne vous inquiétez pas, vous avez une doctoresse avec vous. » Mais mon malaise a augmenté lorsque j'ai vu l'étiquette Novartis sur le médicament. Chaque jour, nous entendions à la radio les nouvelles sur les bénéfices réalisés par Novartis. Alors, j'ai demandé à mon père. C'est quoi Novartis ? Mon père explique en termes simples que l'industrie pharmaceutique ne devrait pas être autorisée à faire de l'argent avec les maladies, parce qu'elle veut toujours vendre plus de médicaments pour devenir plus riche. Mais en réalité, les médecins et l'industrie pharmaceutique ne devraient gagner de l'argent que lorsque les gens sont guéris, comme dans la Chine ancienne, ou comme sous Kadhafi dans la Libye florissante, quand les soins médicaux étaient gratuits. Mais la doctoresse semblait certaine de son affaire. Malgré mes questions sceptiques et mon sentiment de malaise, peu de temps après, j'avais la goutte dans l'œil. Peu de temps après la première application, j'étais déjà tourmentée par la douleur jour et nuit. Une doctoresse m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter de ne voir que du blanc terne. Peu après, cependant, j'ai dû aller en urgence à la clinique ophtalmologique. C'est après cela que le voyage infernal a vraiment commencé, et une semaine seulement après ma première visite chez l'ophtalmologue, il y avait sur ma cornée une très grosse blessure très douloureuse. À ce moment-là, mon état était vraiment alarmant. Neuf mois plus tard, j'ai entrepris une recherche en commençant par mon premier médicament. Je me rends sur la page d'information sur les médicaments de compudium.ch et je clique sur « risque » pour le médicament. Mais cette fonction n'est pas disponible pour les patients. Alors j'imprime les informations techniques. Intéressant. C'est une forêt d'informations. J'ai la tête qui explose. Après des semaines passées dans des cliniques et des cabinets médicaux, j'ai besoin de changer d'air. Les informations sur ce médicament remplissent une dizaine de pages A4, dont pas moins de 8 pages sur 10 décrivent un nombre incroyable d'effets secondaires. Je lis une section à la page 7. En outre, les effets secondaires suivants ont été signalés après la mise sur le marché. La fréquence d'occurrence ne peut être déterminée avec les données disponibles. Les maladies des yeux, kératite ulcéreuse, vision floue, photophobie, mydriase, ptose, douleur oculaire, gonflement de l'œil, sensation de corps étranger dans l'œil, hyperémie oculaire, larmoiement accru. Ok, tout d'abord je me dis, eh bien il y a quelques mots allemands ici. Vision floue, gonflement des yeux, douleur oculaire, sensation de corps étranger dans l'œil. Oui, tout ça c'est certainement acceptable, n'est-ce pas? Mais je tape le mot kératine ulcéreuse dans Wikipédia. Aucun résultat. D'accord, alors je vais chercher le mot dans le dictionnaire des mots étrangers. Pas de résultat non plus. Je vais sur une page pour les questions médicales des patients, Doc Check Flexicon. Étonnamment, il n'y a aucun résultat précis sur la kératite ulcéreuse, comme dans le manuel MSD. À ce stade, vous ne regarderiez probablement même pas plus loin, car il ne peut pas vraiment s'agir de quelque chose qui mérite d'être mentionné, quelque chose qui entre dans la catégorie des douleurs oculaires ou quelque chose de ce genre. Mais après mon expérience de malheur, je ne m'arrête pas là et je tape le mot dans Google. Grâce aux recherches d'un spécialiste, j'obtiens la définition suivante. C'est une maladie oculaire grave avec inflammation et ulcération de la cornée. Mydriase. La pupille est dilatée. Ptose. Affaissement d'une paupière. Hyperémie oculaire. Circulation sanguine excessive dans l'œil qui se manifeste sous la forme d'un œil rouge. Il ne s'agit que de 3 lignes. Quelques lignes plus bas, je lis à nouveau. Autre effet secondaire, mais je ne m'intéresse pas aux maux de tête, à l'œil sec et aux démangeaisons, mais les mots conjonctivite et érosion de la cornée qui signifient abrasion de la cornée et inflammation oculaire infectieuse, puis défauts visibles, sont énumérés. Depuis des décennies, les suppôts des sociétés pharmaceutiques nous disent que plus un médicament a d'effets secondaires, plus il est efficace. Dans la perspective d'aujourd'hui, je ne peux que dire, à quel point sommes-nous devenus aveugles pour croire à de telles absurdités? Les effets secondaires ne sont pas un mal nécessaire d'une thérapie, mais ils représentent les effets principaux réels. D'ailleurs, ils servent aussi à vous faire prendre plus de médicaments ou à faire guérir moins vite. Une machine à mouvement perpétuel parfaitement installée, où on peut gagner beaucoup d'argent. Il existe d'autres effets secondaires. Kératite, inflammation de la cornée, glaucome, glaucome entraînant une perte de la vision, exophtalmie, protrusion du globe oculaire de l'orbite, perforation de la cornée, ce qui signifie que la cornée est déjà tellement abrasée qu'une perforation, c'est-à-dire un trou dans la cornée, se produit, ce qui entraîne la perte de l'œil, à moins de recevoir une greffe de cornée d'un donneur. Formation d'une cataracte subcapsulaire postérieure. Cela signifie l'opacification du cristallin de l'œil qui provoque la perte de la vision, c'est-à-dire la cataracte. On pourrait maintenant lire 8 autres pages sur 10 avec toutes les conséquences possibles, comme le syndrome de Steven Johnson qui a été signalé comme un effet secondaire après le lancement de ce médicament. C'est même écrit ouvertement sur la notice d'accompagnement. Je ne pouvais pas imaginer que de tels médicaments aux effets aussi scandaleux puissent être mis sur le marché comme ça. J'ai donc interviewé une personne qui travaille dans la recherche sur le cancer depuis plus de 18 ans et qui a mené de nombreuses études cliniques. J'ai interrogé cet initié sur le processus de mise sur le marché d'un médicament. Pour qu'un médecin soit autorisé à prescrire un médicament, celui-ci doit être agréé par l'autorité compétente. Pour cela, un médicament doit être soumis à des essais cliniques. Mais ce que le public ne sait pas, c'est que la société pharmaceutique qui a inventé le médicament mène aussi elle-même des essais cliniques. Cela signifie que l'entreprise pharmaceutique détermine dans quel pays l'étude sera menée, dans quelles cliniques et cabinets médicaux, quels médecins seront impliqués dans les études et elle détermine les points de mesure de l'étude. Au final, la société pharmaceutique peut également évaluer elle-même les données de l'étude. Tout le monde peut donc répondre à la question de savoir si les données de ces études cliniques sont objectives ou fiables, étant donné que les entreprises pharmaceutiques sont purement orientées vers le profit. Alors en fait, vous dites, en tant qu'initié, que les entreprises pharmaceutiques ne sont intéressées que par le profit ? Oui. À la page 8, je lis que le médicament retarde le processus de guérison et inhibe le mécanisme de défense de l'organisme contre les infections. Il est également dit à la page 3 que la cicatrisation de la cornée peut être ralentie et que les troubles de la cicatrisation peuvent être aggravés. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ici, vous pouvez également voir les problèmes de la médecine actuelle. Presque toutes les thérapies bloquent ces mécanismes de réparation au lieu de les soutenir, qu'il s'agisse d'antibiotiques, de cortisone, d'antidouleurs et d'aide au sommeil, de tranquillisants ou de chimiothérapie. Après avoir lu ces 9 pages à 4 d'effets secondaires, je n'étais plus surprise d'avoir été tourmentée par la douleur jour et nuit, déjà peu après la première application, de ne voir que du blanc terne. Mon calvaire avait vraiment commencé à la clinique ophtalmologique avec tous ces médicaments supplémentaires. Je ne suis plus surprise qu'une semaine seulement après ma première visite chez l'ophtalmologue, il y avait sur ma cornée une très grosse blessure, très douloureuse. Le radiologue Gert Rutter témoigne, je cite: à la fin de mes 30 années de carrière, la conviction est telle que j'ai dû dire 90% de la médecine fait plus de mal que de bien. Et si vous voyez cela, vous devez changer de camp à un moment donné. Selon des études officielles, environ 300 000 personnes meurent chaque année en Allemagne des suites de la prise de médicaments, d'infections hospitalières et d'opérations, comme en témoigne le docteur Gert Rutter. La principale cause de décès est la médecine. Selon le spécialiste autorisé à enseigner la radiologie, Au cours des 27 dernières années, les États-Unis ont enregistré 3 millions de décès dus à des médicaments sur ordonnance. En Allemagne, 240 000 personnes meurent chaque année des suites de la chimio, soit environ 700 par jour. Selon la Caisse d'assurance maladie AOK, environ 5 fois plus de personnes meurent chaque année des suites d'erreurs de traitement que dans la circulation routière. Situation en 2014. Selon l'AOK, le nombre d'erreurs de traitement est encore plus élevé, 720 000 par an. Et 700 décès par an en Allemagne parce que les médecins oublient leur matériel dans le ventre des gens pendant les opérations. Un Allemand sur 7 se considère comme victime d'erreurs de traitement médical. La misère, la douleur et la détresse des mois suivants ont été incompréhensibles. Au total, 21 médicaments différents ont été utilisés. J'ai continué à m'affaiblir jusqu'à ce que je sois hospitalisée et jour et nuit, des gouttes agressives m'étaient administrées dans l'œil toutes les 15 minutes. Jour et nuit, je souffrais d'une douleur infernale et ne pouvais plus bouger car le moindre mouvement des yeux me faisait souffrir constamment. La seule chose que je pouvais faire était donc de rester immobile au lit. L'industrie pharmaceutique milliardaire veut que vous soyez malade et que vous le restiez pour ne pas vous perdre en tant que client lucratif et, dans le meilleur des cas, meilleur pour les entreprises pharmaceutiques et non pour vous, elle conclut un contrat à vie avec vous. Ainsi, seuls les symptômes de la maladie sont seulement atténués par les médicaments, au lieu de s'attaquer au cœur du problème. Résultat, les gens sont de plus en plus malades et les caisses des entreprises pharmaceutiques se remplissent de plus en plus. Dr. Carsten Littner, biochimiste. Ce matin-là, alors que je subissais à l'hôpital la torture des gouttes pour mes yeux instillées à de courts intervalles, la radio annonçait que la société pharmaceutique Alcon, filiale de Novartis, avait réalisé, à la fin de ce premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de dollars, et cela uniquement en 3 mois. Combien faut-il Dieu malade pour gagner 1,8 milliard de dollars ? Et le cours de l'action Alcon avait aussi augmenté de presque 12% il y a un mois. Même si on ne connaît pas mon histoire, il faut se demander s'il y a des traceurs dans ces produits de Novartis et maintenant d'Alcon qui induisent des problèmes oculaires avec des réactions en chaîne. D'ailleurs, un médecin-chef ophtalmologique gagne entre 800 000 et 1 million de francs suisses par an. Ma maladie oculaire a engendré un coût de 15 000 francs suisses à elle seule. Mais l'assurance maladie n'a pris en charge que 5 800 francs de ce montant. Cependant, les primes d'assurance maladie augmentent chaque année. Il y a 100 ans, chaque Suisse payait une prime mensuelle de 2 à 6 francs et le peuple était en bonne santé. Aujourd'hui, il paye plus de 400 francs par mois et le peuple est malade comme jamais auparavant. Cela signifie une augmentation des coûts de 11 000% depuis 1919. Mais selon l'étude de l'INSET, 95% de la population mondiale est malade. Un Allemand sur deux tombe malade du cancer au cours de sa vie. Le nombre des personnes ayant plus de 10 maladies a augmenté de 52% entre 1990 et 2013. En 2013, un citoyen sur 19 a un problème de santé. Les scientifiques de l'étude du Lancet, qui évalue 35 000 sources de 188 pays, ont également observé une augmentation significative des maladies causées par les médicaments. Revenons aux réactions en chaîne que j'ai subies. L'état de mon œil se détériorait de plus en plus, si bien qu'un jour, j'ai supplié les médecins d'arrêter ces médicaments, car je souffrais terriblement des effets de ces médicaments. Mais ils sont restés de marbre, le visage impassible, et ne m'ont pas répondu parce qu'ils tenaient absolument au nouveau diagnostic parasite dans l'œil, pour lequel il n'y avait aucune preuve, même après des tests très douloureux. Ils ont simplement continué à verser les médicaments dans mon œil jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs comme neige à l'intérieur et rouges vifs à l'extérieur et que je ne puisse plus voir que des taches noires. C'est exactement à ce stade qu'on a même utilisé un médicament interdit en Suisse qui devait être arrêté immédiatement après 2 jours s'il n'y avait pas d'amélioration visible. Je l'ai découvert plus tard en faisant des recherches. Dans mon cas, ils ont utilisé précisément ces gouttes et les ont instillées régulièrement dans mon œil pendant 4 semaines avec une détérioration visible. En tout, je me suis évanouie 4 fois pendant les traitements et les contrôles douloureux des blessures aux yeux. Est-ce que vous réalisez que dans ce système, la médecine moderne ne peut jamais perdre ? Si nous prenons les médicaments aujourd'hui et si nous guérissons, ce sont les médicaments qui nous ont aidés. Si nous restons malades ou même si nous devenons encore plus malades malgré les médicaments, alors la maladie est tout simplement plus forte. Peu importe que vous soyez en bonne santé ou que vous restiez malade, à chaque fois c'est de votre faute et jamais de celle de la médecine. Les vrais puissants aiment fondamentalement créer des systèmes où ils gagnent toujours quoi qu'il arrive. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie piégée dans une secte dont je ne pouvais pas sortir. Mon premier signe d'insatisfaction a transformé les médecins en pierre. J'avais l'impression de me trouver devant une énorme falaise et de ne pas pouvoir la bouger d'un millimètre. Le nombre de médicaments et de gouttes pour les yeux qu'ils m'ont donnés n'arrêtait pas d'augmenter et m'ont causé des douleurs, des souffrances et des insomnies sans fin. Et dans cet état, j'ai dû me présenter à Jeun à 2h30 de mon domicile pour l'opération de transplantation d'organes. Ma décision est bien claire. Si Dieu veut que mon œil pourrisse dans mon corps vivant, comme le docteur vient de le prédire, alors je veux tomber dans la main de Dieu et prendre le mal de sa main ainsi que le bien. Mais je ne veux plus tomber entre les mains de la médecine et de l'industrie pharmaceutique. Lorsque le médecin constate que ma décision est ferme et inébranlable, il commence tout excité à passer des coups de fil. Puis il quitte la pièce. Je me rends compte qu'il m'a déclaré psychologiquement affaibli. À ce moment même, je quitte immédiatement l'hôpital. Arrivé chez moi, j'ai arrêté toutes les gouttes et tous les médicaments. Quelques jours plus tard, ma mère a lu sur la notice du médicament que je prenais tous les jours depuis un certain temps que précisément ce médicament, associé à l'anesthésie générale prévue, peut entraîner des dommages irréparables. Dans mon état extrêmement vulnérable, je n'aurais probablement même pas survécu. Ce que non seulement les politiciens n'ont pas compris, c'est que la médecine n'est pas du tout une science. Vous travaillez dans le secteur de la santé depuis 2001 et vous êtes en salle d'opération depuis 15 ans. Qu'avez-vous vécu ? Au début des années 2000, le système de comptabilité de l'hôpital a été modifié. Par conséquent, il n'y a plus de médecin-chef dont le poste n'est pas lié au nombre de thérapies effectuées. Dans la pratique, cela signifie que si le nombre d'opérations souhaitées n'est pas atteint en un an, le médecin-chef est renvoyé. Il est également courant de payer des suppléments de salaire afin d'augmenter la motivation des médecins à opérer. Cela signifie que si on pouvait augmenter le nombre d'opérations, des primes seraient versées. Dans la pratique, il est alors beaucoup plus intéressant de poser le diagnostic de manière à ce qu'il y ait une indication de faire une opération. Jamais auparavant, on n'avait pratiqué autant d'opérations que maintenant. Quand Olivier est entré dans la machinerie de la chirurgie, il était trop jeune pour prendre ses propres décisions. Il est né avec une déficience visuelle. De nombreuses anesthésies, des examens et des opérations tortueuses ont conduit à la destruction de son œil gauche et à un misérable reste d'acuité visuelle de seulement 5% sur son œil droit depuis son enfance. Après cet échec, les médecins ont encore voulu faire des essais sur son œil droit, mais sa mère a refusé de poursuivre le traitement. Jusqu'à aujourd'hui, Olivier ne laisse plus aucun médecin s'approcher de ses yeux. Un oculiste a prétendument trouvé une cataracte dans l'œil gauche du petit David, âgé d'un an, et lui a retiré le cristallin avec l'accord de ses parents. Mais après le prélèvement, le médecin n'a pas inséré un nouveau cristallin parce qu'apparemment la musculature de son œil ne serait pas assez forte. Aujourd'hui, David a déjà 5 ans et il a une terrible faiblesse, l'amblyopie dans son œil gauche. Les muscles des yeux sont encore trop faibles. Comment pourrait-il les entraîner sans lentilles ? Cette femme est devenue aveugle suite à une opération. Un professeur en médecine l'a exprimé ainsi. Bien sûr, les médecins ne sont pas de mauvaises personnes simplement parce qu'ils ne sont pas des guérisseurs. Ils ne comprennent tout simplement pas qu'ils sont prisonniers et abusés dans un système dont la plupart des gens ne connaissent même pas l'existence. Qu'allait-il m'arriver maintenant que j'avais décidé, en quittant l'hôpital, de laisser pourrir mon œil ? Quelques jours après avoir arrêté tous mes médicaments, je suis enfin à nouveau capable d'ouvrir mon œil sans aucun effort. Quelques jours auparavant, deux assistants ont dû me tenir la paupière ouverte avec des baguettes pour prendre une photo. L'inflammation a disparu de l'œil et la sensibilité extrêmement douloureuse à la lumière a disparu. Il y a quelques jours seulement, la lumière d'une bougie m'éblouissait comme un poignard dans l'œil. La paupière a désenflé, l'inflammation s'est atténuée. Au lieu d'avoir pourri, mon œil est enfin blanc tout autour, comme avant. Les taches noires dans ma vision ont disparu, et aussi l'étoile centrale qui suivait mon regard partout où je regardais. Ma vue s'améliore constamment. La douleur m'a finalement quitté. Même mon appétit est revenu, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Mon œil a même retrouvé son éclat. Mon œil est de nouveau humidifié normalement par la paupière sans produit et il ne larmoie plus sans arrêt. Mais ce que j'apprécie le plus, je suis quelqu'un de libre. Et en ce moment même, environ une semaine et demie après avoir annulé l'opération et arrêté tous mes médicaments, toute la communauté des médecins m'invite à me rendre à la clinique ophtalmologique pour me faire enlever l'œil gauche. Sinon, les parasites rongeraient non seulement mon œil gauche, mais aussi mon œil droit. Je fais une dépression nerveuse. Grâce à des miracles surnaturels, j'en guéris en peu de temps. Quelques mois après ma grande souffrance, je rencontre des personnes qui ont eu des expériences similaires avec la médecine pharmaceutique et je dois raconter tout cela. Mon histoire et la leur ne sont cependant pas destinées à être un appel à les imiter, mais à réfléchir sur le système, sur les marionnettistes au sommet de l'industrie pharmaceutique. Elles visent à stimuler la réflexion sur les flux d'argent. Oui, nous sommes tous extrêmement reconnaissants pour la chirurgie des accidents, par exemple, et pour les grandes découvertes de la technologie moderne. Combien nous sommes reconnaissants qu'il existe des médecins aimables qui prennent soin de nous lorsque nous sommes dans le besoin. Néanmoins, nous devons examiner plus en profondeur ce qui se cache réellement derrière le système médical pharmaceutique. Je le souligne une fois de plus, chaque personne est un être original et doit prendre ses propres décisions de manière indépendante. Les médecins ont dit que Martine pouvait faire une croix sur son œil. Mais après des mois de souffrance désespérée, d'opérations et 4 semaines à l'hôpital universitaire, il arrêtait toute médication. Et à la stupéfaction de tous les médecins, l'œil a guéri en une seule semaine. Aujourd'hui, Martine voit mieux qu'avant. Pour Victoria, les médecins avaient renoncé disant que son œil ne pouvait plus être sauvé. Elle avait une grosse blessure. Mais elle n'a pas voulu croire les médecins. Par la suite, tout a été guéri et elle voit très bien maintenant. Lorsque Martina a refusé d'être mise sous perfusion de chimiothérapie, le médecin en chef de la clinique dermatologique a prédit qu'elle devrait vivre pendant les 40 prochaines années avec une maladie auto-immune potentiellement mortelle. Cela signifie que plusieurs centaines de cloques d'eau, de la taille d'un pois à celle d'une mandarine, des cloques qui démangent terriblement et qui éclatent à répétition, se répandent sur tout le corps jusqu'à la plante des pieds. Martina a été guérie de cette terrible éruption cutanée sur tout le corps en quelques mois, sans aucun médicament. Elle est maintenant en parfaite santé depuis de nombreuses années. Il y a une guerre pour chaque patient, car la médecine est la plus grande source de revenus au monde. En comparaison, l'industrie automobile et l'industrie informatique sont au mieux une petite subdivision. Quand il s'agit de cancer, les thérapies qui coûtent peu ou rien du tout n'ont aucune chance. Dans les seins de Christine, on a diagnostiqué par ultrason plusieurs nodules. Le médecin a immédiatement voulu programmer une ablation chirurgicale de ces nodules. Cependant, Christine a décidé de sentir elle-même d'une étape à l'autre ce qu'elle devait faire, ce qui était nécessaire pour la guérison. Après 3 ans, on n'a plus trouvé de nodules à l'échographie. Valtrode a été guérie d'un cancer abdominal qu'elle avait depuis 12 ans, sans aide médicale. Elle a suivi une thérapie basée sur les lois de la nature, thérapie qui est fortement calomniée et poursuivie par la pharmacie, la médecine et les médias. Je demande à une femme médecin qui a plus de 15 ans d'expérience professionnelle, pourquoi aucune méthode naturelle de guérison du cancer n'est recherchée et appliquée ? Ainsi, le cancer est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité la plus fréquente après les maladies cardiovasculaires. De nombreuses personnes sont ainsi programmées par les médias. Diagnostic cancer, je pourrais en mourir. Dès qu'ils entendent ce diagnostic, ils se tournent vers le médecin avec crainte et sont prêts à suivre n'importe quelle thérapie, souvent la chimio ou la radiothérapie. Le problème du choix du traitement est l'incitation financière pour le médecin, la clinique de soins et aussi l'industrie pharmaceutique. La chimiothérapie peut coûter jusqu'à 20 000 euros par perfusion. Si on administre 4 perfusions, la compagnie d'assurance maladie payera un total de 80 000 euros pour le traitement d'un seul patient. D'un point de vue économique, c'est très rentable pour les médecins, les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique. Oui, je comprends. Il existe plusieurs approches naturelles pour guérir le cancer. Cependant, en raison du manque d'aide financière et de l'impossibilité de breveter les plantes, celles-ci ne font pas l'objet de recherches, mais sont réprimées, discréditées et parfois ridiculisées. Dommage. La même réponse m'est donnée par une personne qui travaille depuis 18 ans dans la recherche sur le cancer et qui a participé à d'innombrables études. Prenons l'exemple de la substance active l'ipilimumab contre le cancer de la peau. Selon la taille et le poids du patient, une perfusion coûte environ 10 000 euros. Vous pouvez voir que la lutte contre le cancer est une affaire très lucrative. Nous disposons d'un vaste réseau de recherche sur le cancer dans le monde entier, depuis les laboratoires jusqu'à la recherche clinique. Au cours des 10 dernières années, plus de 60 nouveaux médicaments anticancéreux ont été lancés sur le marché. S'il s'agissait de vaincre le cancer, on continuerait à travailler à plein régime sur des thérapies efficaces, peu coûteuses, accessibles et abordables pour tous. D'accord, et de quel type de thérapie parlez-vous par exemple ? J'ai participé à plus de 80 essais cliniques en un peu plus de 11 ans. Mais dans aucune de ces études, par exemple, le nouveau médicament de la société pharmaceutique n'a été testé contre un médicament de naturopathie, bien que les médicaments de naturopathie aient souvent moins d'effets secondaires et soient moins chers. Il n'existe pas d'études de ce type. Si par exemple la chimiothérapie devait être testée par rapport à un traitement de naturopathie, on dit que c'est contraire à l'éthique. Logiquement, aucune entreprise pharmaceutique ne s'y intéresse, et ce sont principalement ces entreprises qui financent la recherche clinique. Un petit exemple de ce type. En Allemagne, un médecin qui avait traité avec succès des patients atteints de cancer avec un médicament de naturopathie dans son cabinet a dû fuir la police par une fenêtre de son cabinet parce qu'on voulait le mettre dans une clinique psychiatrique fermée. C'est bien sûr aussi une façon d'éliminer la concurrence désagréable. Oui. Les médecins ont dit à Sabine qu'elle devait commencer immédiatement une chimiothérapie contre le cancer débutant dans son utérus. Mais elle et son mari ont refusé ce traitement et ont choisi de faire confiance à Dieu. Contre tous les pronostics des médecins, Sabine est tombée enceinte de la première de ses quatre filles en bonne santé. Elle est encore en très bonne santé aujourd'hui. Un médecin a déclaré que Margot ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne l'a pas cru et a donné naissance à deux enfants en bonne santé qui sont maintenant adultes. Il y a de nombreuses années, un autre médecin lui a dit qu'elle deviendrait probablement sourde. Margot ne l'a pas cru non plus et elle entend toujours bien. Pour Danilo, les médecins ont déclaré que seule une transplantation cardiaque pourrait le sauver. Mais Danilo, par conviction, a résolument rejeté la voie prescrite par la médecine orthodoxe. Il a découvert lui-même la cause de sa maladie cardiaque. Et depuis lors, son état de santé s'est sans cesse amélioré. Une personne qui travaille en salle d'opération depuis 15 ans me permet de regarder encore plus en profondeur dans les rouages de la transplantation. Un médecin en chef respecté, connu pour son style de direction absolument autoritaire, a même récemment répandu l'idée d'intervention préventive. C'est-à-dire que dans certains cas, il serait nécessaire d'enlever par exemple une partie de l'intestin avant même qu'un cancer ne soit diagnostiqué, à l'instar de la célèbre actrice Angelina Jolie. Par mesure de précaution, elle s'est fait enlever les seins, les trompes et les ovaires, car en raison de ses gènes, elle aurait un risque accru de développer un cancer. Pour cette opération, elle a également été saluée comme une femme courageuse. Et elle est une fois de plus considérée comme un modèle. Selon le médecin, Francisca a un bébé mort dans son ventre. Cependant, comme elle était incertaine, la date de curetage a été reportée. Un mois plus tard, l'échographie a montré que l'enfant était vivant et elle a donné naissance à une fille en parfaite santé. Selon le journal britannique Daily Mail, chaque année, rien qu'au Royaume-Uni, on dit à des centaines de femmes, suite à une échographie, que leur bébé est mort. Selon les médecins, cette jeune femme, Lydia, aurait dû naître avec peut-être une spina bifida, dos ouvert ou une trisomie 21, si un avortement n'était pas pratiqué. La voici en parfaite santé à 22 ans. Salomé aurait dû être avortée car, selon le cardiologue, elle aurait très probablement dû naître avec un handicap mental et n'aurait vécu que quelques heures après l'accouchement. Cependant, Salomé est née sans handicap mental. C'est une jeune femme équilibrée et actuellement, elle poursuit des études. Stéphanie s'est cassé la cheville et la rotule gauche. En raison d'éruptions cutanées, d'ecchymoses et d'évanouissements constants, Stéphanie a arrêté prématurément l'injection d'anticoagulants et d'analgésiques prescrits par le médecin. Le médecin de famille lui a alors fait comprendre, par de redoutables exemples, que sa décision était irresponsable et qu'elle serait fatale pour une femme de son âge et de son état de santé. Cependant, Stéphanie s'en est tenue à sa décision. Ses fractures ont guéri sans aucune complication, malgré l'avis médical selon lequel Stéphanie serait limitée à vie après son accident et souffrirait de douleurs fantômes. Elle peut maintenant, après 4 mois et demi, pratiquer à nouveau du sport, et ce, sans aucune séquelle de ses fractures. Toute l'industrie pharmaceutique, qui d'une façon ou d'une autre a toujours une influence, elle exclut que tu puisses produire par toi-même quelque chose de positif, que tu puisses influencer toi-même ces cycles de guérison. Avec eux, il faut toujours qu'un médicament entre en jeu, que vous payiez cher, avec lequel ils vous tiennent en laisse, oui, avec lequel vous devenez vraiment, vraiment un patient à vie si possible. Vous travaillez dans le secteur de la santé depuis 44 ans. Quelles expériences avez-vous vécues ? Depuis les années 1990, le système de santé a subi une transformation majeure. Quand j'ai commencé à travailler, le bien-être du patient était au centre de mes préoccupations. Autrefois, on avait le temps de parler au patient, mais aujourd'hui, on est plutôt occupé à remplir des formulaires. Le patient est un numéro de dossier qui apporte une certaine somme d'argent à l'hôpital. Souvent, les patients qui sont encore malades doivent sortir trop tôt parce que l'hôpital ne peut plus en tirer profit. Bien sûr, les patients en souffrent beaucoup. La population est de plus en plus malade et de plus en plus insatisfaite. Le taux de maladie est de plus en plus élevé et le personnel de moins en moins nombreux. Les lobbyistes et les politiciens réunis autour d'une même table sont orientés vers le profit. C'est un crime sournois contre l'humanité et personne n'intervient. Les anciennes diaconesses et religieuses soignantes se retourneraient dans leur tombe aujourd'hui. Après avoir découvert tous ces faits et ces histoires choquantes, je vais souvent dans la nature et je digère toutes ces impressions. Mais j'apprécie surtout mon œil gauche. Parfois, je ferme mon œil droit et je regarde de l'œil gauche. Je suis toujours heureuse de ne pas avoir pris ce rendez-vous pour mon ablation de l'œil et d'avoir pu sortir de la spirale descendante de la médecine pharmaceutique. Mais malheureusement, je rencontre d'innombrables personnes qui ne peuvent plus sortir de cette spirale parce qu'il est trop tard pour elles. Marisa est handicapée depuis la vaccination de l'industrie pharmaceutique. Avant cela, elle était en parfaite santé et avait obtenu 10 points sur 10 lors du test sur les nourrissons. La même chose est arrivée à Stephen. Et à Billy. Également à Michaela. Und mit Mar selber. La fille de Mark et à Temple. Und mit Temple. Aussi à elle. Und er. Elle a eu deux crises de 5 minutes après la vaccination. Elle a subi de graves lésions cérébrales à la suite de la vaccination et a eu des crises d'épilepsie tous les jours jusqu'à sa mort dans les bras de sa mère à l'âge de 15 ans. Dort. 250 000 autres cas de ce type ont été signalés et attestés. Les vaccinations représentent un marché de 30 milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique et les fabricants de vaccins. Tout comme les industries du tabac, du pétrole et de la chimie, l'industrie pharmaceutique utilise des stratégies pour publier de fausses données scientifiques et bloque les études scientifiques qui menacent leurs marges bénéficiaires. Robert Francis Kennedy Jr., avocat américain. Troisième enfant de Robert Fitzgerald Kennedy, Journal Express. Plus que jamais, je constate l'urgence de mon travail bénévole à CLA-TV, la chaîne d'information indépendante qui met toutes ces informations censurées à la disposition du peuple. Mais les médias nous harcèlent de près et nous séparent régulièrement de collaborateurs les plus précieux d'entre nous. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'est survenue l'inflammation de mes yeux, parce que nous devions lutter pendant la nuit jusqu'à 3 fois par semaine contre les pires campagnes de diffamation dans les médias, et cela a même eu comme conséquence de perdre de précieux collaborateurs. Mais maintenant, je suis très heureuse de pouvoir retourner à mon travail en tant que directrice de production de Panorama Film et de CLA-TV. Mon père, Ivo Zazek, a fondé cette chaîne de télévision pour diffuser des informations censurées et publier ce que les médias ne publient pas. En particulier les mensonges et fausses informations provenant des médias, par lesquels, par exemple, d'innombrables guerres ont pu être menées et des millions de personnes ont été tuées. En seulement quelques années, la chaîne a atteint une audience de millions de personnes provenant de 212 pays. que l'ATV exploite 170 studios dans le monde entier, dans 53 langues. Il y a déjà plus de 15 000 émissions de dévoilement qui ont été produites et diffusées par des centaines d'équipes de bénévoles. Quand je pense à ce système pharmaceutique, je me souviens des paroles d'un ancien de l'industrie pharmaceutique qui a révélé qu'il y a des entreprises qui gagnent des milliards de dollars en provoquant la peur chez les gens, sur mandat de l'industrie pharmaceutique et des gouvernements. Par exemple, la peur d'une maladie qui n'existe pas ou qui n'est pas si dangereuse. La rémunération d'un seul employé de ces agences de relations publiques qui créent la peur peut aller jusqu'à plus d'un milliard. Je pense au docteur Royal Rife, qui a réussi à guérir des patients atteints de cancer et a découvert comment presque tous les maux connus peuvent être éliminés. Le cartel pharmaceutique a ruiné Rife et son laboratoire d'essai a été réduit en cendres. Ils ont acheté les scientifiques et les médecins qui connaissaient la thérapie de Rife. Ceux qui ne se sont pas laissés acheter sont tous morts dans des circonstances mystérieuses. La même chose est arrivée à René Kess, Harry Oxey et Max Gerson, après avoir soigné beaucoup de personnes avec des remèdes naturels. Je pense aux 15 médecins mystérieusement décédés qui étaient tous des défenseurs de la lutte contre les vaccins et qui faisaient des recherches sur une nouvelle thérapie pour guérir le cancer et des maladies comme la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Des centaines de chercheurs et de médecins ont été et sont encore attaqués parce qu'ils voulaient guérir les gens. Certains d'entre eux l'ont même payé de leur vie. Meilleurs ils sont, plus ils ont des risques d'être attaqués et même si vous ne le croyez pas, il y a même des meurtres. J'ai moi-même pu expérimenter comment les scientifiques gênants ont été victimes d'accidents mortels. Comme je le sais aujourd'hui, ils ne se cachent derrière cela, en vérité rien d'autre que des intérêts politiques ou financiers et rien d'autre que le système dans lequel nous vivons tous. Ceux qui pourraient changer ça sont, par la nature même du système, ceux-là même qui ne voudront jamais le changer parce que ce sont eux qui en bénéficient le plus. Comme ce lever de soleil dissipe les ténèbres et apparaît sans entrave, la vérité et la justice vaincront elles aussi. Diffuse cette vidéo, partage-la avec tes amis et connaissances. Aide CLATV à apporter au peuple toutes les informations censurées. Et si toi, tes proches ou tes connaissances, vous avez été victime, d'une façon ou d'une autre, du système pharmaceutique et médical, signale-le à Vetopedia, l'encyclopédie libre des contre-voix. As-tu toi aussi reçu de faux pronostics terrifiants de la part de la médecine conventionnelle? As-tu subi des lésions suite à la prise de médicaments? As-tu subi des lésions suite à des opérations? Ou as-tu été victime d'une infection ou d'autres problèmes médicaux suite à un séjour à l'hôpital? Des vaccins t'ont-ils apporté des dommages? Écris l'histoire dont tu as été victime sur vetopedia.org dans la rubrique « Victime de l'industrie pharmaceutique et de la médecine ». Comment la médecine pharmaceutique s'est-elle développée? Au XIXe siècle, deux approches des maladies étaient connues de la population. Les patients avaient le choix de consulter soit des allopathes, c'est-à-dire des médecins, soit des guérisseurs naturels appelés empiriques. Les allopathes croyaient qu'un médecin devait faire disparaître une maladie de l'organisme de manière agressive, par exemple en utilisant de très hautes doses de minéraux toxiques comme le mercure et le plomb. Contrairement aux allopathes, les empiriques croyaient que l'auto-guérison pouvait être obtenue en stimulant les propres défenses du corps. Ils utilisaient des produits à base de plantes. Les deux groupes menaient un débat philosophique animé. L'équilibre entre les médecines opposées a été maintenu jusqu'au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, de nouvelles méthodes de traitement sont apparues qui semblaient très rentables, et la médecine s'est transformée en une industrie. Les fortunes des plus riches industriels et banquiers américains, par exemple Carnegie, J.P. Morgan et Rockefeller, ont financé la chirurgie, la radiothérapie et les médicaments pharmaceutiques. L'étape suivante a consisté pour l'industrie médicale à prendre en charge l'enseignement médical. Rockefeller et Carnegie ont notamment offert d'énormes sommes d'argent aux universités qui voulaient coopérer avec eux. En retour, ce sont des personnes désignées par les donateurs qui ont pris place dans les directions des universités. Ainsi, tout a été orienté vers les médicaments pharmaceutiques. Tous les grands établissements d'enseignement aux États-Unis ont ainsi été conquis par des intérêts pharmaceutiques. La profession médicale a modifié les réglementations en matière de formation, les exigences d'autorisation et les règles afin d'exclure ce qu'on appelle les empiriques. Bientôt, seuls les médecins accrédités ont été autorisés à exercer légalement et des campagnes ont été lancées dans le but de dénigrer les médecins empiriques en les qualifiant de charlatans. C'est ainsi que le système de santé de la médecine conventionnelle a été établi et que toutes les méthodes médicales naturelles de guérison ont été combattues avec véhémence. La nature a généralement raison. Quiconque se tient à ses principes peut surmonter toutes les maladies. Une fois que vous aurez intériorisé cette phrase, aucun médecin au monde ne pourra vous prescrire des médicaments ou des thérapies qui contredisent cette règle. Que le commerce avec la maladie se termine enfin sur une fin heureuse. La diffusion de nos émissions de dévoilement est notre seule récompense. Vetopédia, l'encyclopédie libre des contre-voix. Plus besoin d'attendre en vain. Les calomnies médiatiques sont révélées. C'est ici seulement qu'on cherchera les corrections de l'auteur lui-même. Des contre-déclarations directes et non censurées. Maintenant sur www.vetopedia.org. Clat TV démasque les mensonges des médias en donnant des contre-voix. Clat TV, c'est libre, indépendant et non censuré.